Donc, bonjour à tous. Donc, Chloé Martin. Donc, on va parler de l'archéologie du littoral. Alors, attendez, si j'y arrive. Donc, voilà, donc, on va faire un bond dans le temps. Parce qu'on va vous parler de sites archéologiques en fait, qui sont maintenant sur le littoral pour vous montrer un petit peu la montée du niveau marin. Donc, on va faire une rapide introduction sur l'archéologie du littoral, sur quelques études de cas, hein, de sites bien précis qui montrent vraiment qu'il y a eu la montée du niveau marin. Puis Marie-Vanne prendra la parole pour voir ça d'une manière un peu plus globale en prenant en compte des études paléo-environnementales et l'imaginaire après au niveau des légendes. Nous tenons à excuser également nos collègues Elias Lopez-Romero et Pao Olmos-Benlor qui ne sont pas présents aujourd'hui parce qu'ils sont actuellement en Espagne pour leurs travaux respectifs. Alors pour le contexte géographique, nous travaillons actuellement sur la Bretagne, hein. Pour diverses raisons. La première, c'est l'importance de la façade littorale de cette région, puisqu'on a quasiment 3000 km de côte, ce qui est quand même conséquent. Nous avons également une très grande diversité et une très grande richesse dans le patrimoine culturel, qui va de plusieurs centaines de milliers d'années à quasiment maintenant. Et cette diversité culturelle, elle se voit sur des sites qui sont très divers. Ça peut être de l'habitat, du funéraire ou des ateliers, hein, qui sont maintenant sur le littoral. Il y a également une très longue tradition dans les recherches scientifiques par rapport à la montée du niveau marin dans cette région. Les premières études archéologiques datent du 19e siècle sur le littoral. Et pour le laboratoire dans lequel nous appartenons, le CREA à Rennes, ça va faire plus de 30 ans que cette question est posée justement sur cette archéologie du littoral. Et c'est important aussi pour d'autres raisons. La première, on l'a bien vu ce matin, c'est la vulnérabilité de ce littoral qui est mouvant. Face aux effets du changement climatique, l'érosion marine, hein, l'érosion éolienne et fluviale, mais également à la pression anthropique qui est croissante, puisque nous sommes dans des régions qui sont densément peuplées et qui vont largement attaquer en fait, les sites archéologiques, souvent par méconnaissance. Pour cela, il y a eu le projet ALERTE, donc archéologie littorale et réchauffement terrestre, qui a été créé il y a maintenant une dizaine d'années, qui avait plusieurs objectifs, donc on va juste rapidement les voir. Hein. Le premier plan, c'est l'observation et la collecte de données archéologiques sur le littoral. Et après, sur plusieurs points, en fait, hein, on va voir une analyse de la vulnérabilité des sites, un suivi, des études approfondies, donc c'est ce qu'on appelle les fouilles, tout simplement, et puis évidemment les informations, communication auprès des populations pour que ce littoral, cette archéologie littorale, soit pris en compte par chacun. Donc, comme je le disais, ce projet est né il y a 10 ans. Il était dès le départ interdisciplinaire, puisqu'il y a effectivement des archéologues, mais aussi des géomorphologues et des géographes qui sont présents dans ce projet et qui nous permettent aussi de bien comprendre, hein, cette évolution du littoral par rapport à l'occupation humaine. Je ne détaillerai pas plus. Vous avez un site internet qui existe où tous les outils sont détaillés et vous pouvez aller les voir quand vous voulez. Voilà ce que ça peut donner, juste à titre d'exemple, pour la presqu'île de Ruisse. Là, vous avez plusieurs sites qui ont été recensés et où un indice de vulnérabilité a été mis pour chaque site, c'est-à-dire quels sont les sites qui vont disparaître très prochainement, pour certains, c'est à une dizaine d'années, dans une dizaine d'années. Et donc, ça nous permet de voir où on doit aller, nous, en tant qu'archéologues, pour sauver toute information scientifique avant qu'elle ne disparaisse, puisqu'il ne faut pas se leurrer, elles ne vont pas rester. Donc, voilà un peu pour la rapide introduction. Et voilà ce que ça donne sur le terrain. Là, nous sommes dans les Côtes d'Armor, sur les sites des Vallées, donc à Pelleneuve-Val-André, où nous avons un site du Paléolithique moyen, hein, qui est daté d'environ 164 000 ans. Et nous sommes sur un site de boucherie, puisque vous avez en fait des restes fauniques qui ont été découverts ici, hein, donc soit de cheval ou de grands bovidés, ainsi que l'utilisation et la production d'outils en quartz et en silex. Et comme vous le voyez, nous sommes directement sur l'estran. Évidemment, ce site, alors il a été découvert grâce à l'érosion marine, dans un sens, puisqu'il a mis à nu complètement le site, mais en même temps, cette érosion a détruit une très grande partie, d'où cette intervention avant disparition. Et les études géomorphologiques ont permis de montrer que ce site était à l'époque occupé à une période froide, où donc la mer était, enfin, il y avait une régression marine d'environ 60 mètres, et donc le site était à peu près à 60 km des côtes actuelles. Autre site emblématique, Erlanik, l'îlot d'Erlanik dans le Morbihan, où vous avez en fait la présence de deux cromlechs, deux cercles de pierre. Là, hop, on le voit ici en fait. Donc une partie est encore sur l'îlot, les autres parties en fait sont actuellement submergées dans le golfe. Là, vous voyez les menhirs, hein, qui émergent dans l'eau. La première fois où ce site a été déclaré comme étant anthropique, ça remonte au 19e siècle. Et à l'époque, il y avait très peu de menhirs encore debout. Les blocs étaient couchés. Là, ce que vous avez, c'est un remontage un peu plus récent. Et ça fait partie des sites qui ont permis de dire que oui, la mer a bien monté. La preuve, les hommes n'ont pas été sous l'eau pour mettre des mégalithes. Donc là, vous avez une petite étude qui a été faite en 1919, justement, où on voit les premières recherches sur cette montée du niveau marin et la différence des sols qui ont pu bouger entre le néolithique et maintenant. Ce site, il a fait l'objet de fouilles anciennement. Là, vous avez en haut, ici, des archéologues. Alors, c'est des érudits qui, pour nous, sont importants. Ils font partie des premiers archéologues qui ont fait des vraies fouilles archéologiques et pas juste des trous pour récupérer les objets. Donc, les époux Saint-Just et Marthe Pécard et Zachary Lerouzic qui ont permis de montrer qu'il n'y avait pas seulement des cailloux ou des mégalithes qui étaient posés. Il y avait également des coffres, donc dire des sépultures, et également des occupations humaines antérieures en fait, à l'érection de ces hémicycles. Mais il a fallu attendre les années 90 pour qu'il y ait des fouilles subaquatiques pour aller voir sous l'eau ces fameux menhirs et voir justement comment ils étaient positionnés et comprendre le site dans son ensemble et pas seulement en fait, parce qu'il était visible, parce qu'il n'était pas sous l'eau. Et donc, ça a permis de montrer que la première occupation du site date de 4000 ans avant Jésus-Christ et que les menhirs que vous voyez actuellement ont été érigés vers 3500 ans, à une époque où cet îlot était relié à la Terre, au continent, comme on peut le voir sur cette carte, en fait, où l'altitude... possiblement les fleuves qui passaient juste à côté, donc l'îlot était relié et accessible facilement à pied. Autre site emblématique, c'est un habitat néolithique qui là se trouve dans le Finistère, dans la ville de Guisseni. Actuellement sur le littoral, donc le site a complètement disparu si je ne me trompe pas. D'une part du fait de l'érosion marine, encore une fois, puisque ce site a été recouvert à chaque marée et donc au fur et à mesure le site a été mangé. Et aussi parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques, et quand il y a une fouille archéologique, généralement on détruit quand même une partie du site pour pouvoir le comprendre. Ce site était conservé dans une tourbière. Donc à ce niveau-là, et ça nous a permis également de voir par rapport à un positionnement de plusieurs photos dans le temps, qu'il y a eu un recul d'environ 40 mètres entre 1914 et 1987. Donc il faut imaginer que voilà, pour nous, ce qui nous intéresse au niveau du site archéologique, il a largement été mangé. Donc cet habitat est caractérisé par plusieurs structures. Vous avez ici, durant la fouille, des fosses qui ont été mises à jour, des foyers. Et donc c'est un habitat néolithique qui a été ici préservé grâce à la mise en place d'une tourbière après le néolithique, donc plutôt à l'âge du bronze, où en fait voilà, le site a été complètement fossilisé. Donc nous, ça nous a permis d'avoir en fait le site quasiment conservé. Et donc ça nous a permis de voir qu'il y avait toujours cette remontée du niveau marin. Et le site était évidemment à l'époque n'était pas sur le littoral, puisque c'est quand même assez. Enfin, c'est moyennement pratique. Le site du Kernik à Plouescat est une allée couverte, ce que vous voyez ici en photo aérienne. Également qui est étudié depuis plusieurs années. Vous le voyez sur la photo en bas, en fait, qui date de la fin 19e, début 20e. Pareil, c'est toujours un site qui fait partie des sites emblématiques pour dire que le niveau marin a largement été modifié. Et ce site a été fouillé dans les années 80 pour une raison assez simple, c'est que là, il allait complètement disparaître. Comme on peut le voir ici sur les deux photos aériennes côte à côte, il y a largement un gros changement dans l'anse, avec notamment un envasement. Et l'érosion marine menaçait largement les mégalithes qui tombaient et qui partaient quand même à la mer, ainsi que les sols archéologiques. Voici l'état actuel du site. Et voilà ce qui a été trouvé en fouille. Donc là, vous avez les couvertes proprement dites avec une chambre funéraire qui est juste ici. Et divers blocs qui sont aux alentours qui, en fait, qui nous montrent qu'il y avait un cairn. Un cairn, c'est une structure en pierre qui recouvre complètement l'allée couverte. Donc il faut imaginer un monument qui était vraiment très grand et beaucoup plus imposant. Et là, nous avons seulement plus que des restes en fait, de celui-ci. Et alors, il faut savoir que c'est d'une part l'érosion marine, mais pas que. Il faut pas nier que, par exemple, pour l'installation de cette magnifique petite cale à bateau, il y avait besoin de blocs. Et donc, ils ont été se servir à une centaine de mètres près, donc directement dans le site archéologique. Le site que vous voyez maintenant, il a été remonté après la fouille pour éviter justement la disparition complète du site. Il a été décidé de remettre les mégalithes droits et d'indiquer comme quoi c'est bien un site archéologique et que ce serait plutôt sympathique de le laisser en place plutôt que de l'utiliser comme carrière. Voici l'exemple également de deux menhirs, celui de gauche, le menhir de Menouzac, qui est étudié depuis pareil plusieurs années. Hein. Les premiers écrits datent de 1912, où là, Alfred de Voir a fait de nombreuses études, notamment par rapport au niveau marin. Donc il a testé par rapport aux marées, différentes marées, si ça dépassait ou pas de menhir. Et donc il a pu dire que oui, effectivement, le menhir avait été bien mis à une période antérieure, donc au néolithique, et qu'il y a eu une montée du niveau marin. Pardon. Et pour ce site, il n'y aura que des photos anciennes, puisque il a servi pour un enrochement. Il a été remis maintenant à peu près à sa place, mais vu que c'est vraiment très aléatoire là où il a été posé, donc on n'ira pas plus loin dans les descriptions, on va rester sur ce qui a été dit anciennement dans les textes. Et autre exemple, le menhir de Penglawick à Loctudi, qui est très visible, qui est dans la rivière de Pont-l'Abbé, qu'on voit ici. Et vous voyez ici, en fait, les limites des marées hautes, en fait, puisqu'il est immergé quotidiennement. Dernier site qu'on va voir, donc on va faire un bond dans le temps, puisque là, on arrive au 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 4e siècle à peu près, 4e, 5e après. C'est la cité d'Alette, qui est donc dans la ville de Saint-Malo. La cité d'Alette est juste ici, sur un promontoire, et donc, durant l'installation gauloise, vous avez ici un cordon dunaire qui protège la cité. Et donc l'installation d'un port avec évidemment des routes qui permettent d'accéder à la cité en tant que telle, des installations humaines, notamment un cimetière à cet endroit-là, et une pompe qui permettait d'avoir de l'eau douce tout simplement sur le site. Et évidemment un environnement relativement calme, ce qui va changer au 4e siècle puisque le cordon va se percer. Et donc la mer va arriver ainsi que les marées, ce qui va modifier complètement l'environnement, l'écologie, mais aussi les installations humaines. Le port va reculer et vous voyez donc le cimetière va être lui ennoyé. Il a été fouillé mais en condition un peu subaquatique. Pardon. La pompe, elle, pour l'eau douce, va disparaître. La résurgence existe encore, mais la pompe, elle, ne sera plus utilisée. Et il va y avoir également des changements stratégiques, puisque évidemment vous voyez bien que l'entrée du port est complètement décalée et donc là, vous avez l'installation de la tour Solidor qui sera beaucoup plus en arrière pour des questions de stratégie et de défense. Ce banc de sable, il va exister encore très longtemps. On le retrouve sur des anciennes cartes, donc ici de l'état-major, par exemple. Sur les photos aériennes aussi, là, vous avez encore les traces en 52. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces pour une raison simple, c'est que juste ici, maintenant, vous avez le barrage de la Rance, l'usine marémotrice, qui a modifié toute la distribution sédimentaire dans la vallée de la Rance. Et qui a donc modifié également les courants et qui a détruit en partie les bancs de sable. Et voilà ce que ça donne au niveau reconstitution, donc le avant-après la rupture du cordon. Donc là, vous voyez toutes les installations dont on parlait, le cimetière, là vous avez la pompe et la route, ainsi que le petit port. Et là, évidemment, il faut imaginer toute la perte d'un territoire et donc des changements anthropiques de la vision également des hommes à ce moment-là. Voilà. Alors, je prends effectivement la suite de Chloé pour revenir sur ces phénomènes qui affectent les côtes et qui les affectent depuis longtemps. Bon, vous l'aurez compris, pour nous, archéologues, et pour les personnes qui ont parlé avant nous, l'un des facteurs majeurs, c'est précisément la montée du niveau marin, la variation du niveau marin. Je commencerai par enfoncer un peu une porte ouverte en disant que cette variation du niveau marin, bien entendu, ne va pas avoir le même impact selon le type de côte auquel on est confronté et que, bien entendu, selon qu'on étudie une côte à falaise, comme c'est le cas en haut de la photo, la photo du haut à Plévenon, ou une côte basse comme celle de la baie du Mont-Saint-Michel, bien entendu, l'impact d'une transgression marine, d'une montée de niveau marin, va être extrêmement différente dans ses effets. Donc ça, c'est un principe dont nous tenons beaucoup compte. Si on remonte à des périodes vraiment très très anciennes, et notamment à la période de minimum du niveau marin pendant le quaternaire, à travers cette carte à droite, vous voyez quelle pouvait être la configuration du paysage de l'Ouest européen avec une Manche, la mer Manche n'existait pas à l'époque, et finalement on est là face à une grande vallée qui est traversée par des systèmes fluviaux. C'est-à-dire que pour nous, archéologues, là, il y a du point de vue méthodologique et du point de vue de la recherche, à prendre prendre en compte donc ce phénomène, ce changement environnemental, puisque nos sites préhistoriques très anciens, finalement, c'est sous l'eau qu'il va falloir aller les chercher. Ça, d'un point de vue méthodologique, c'est un petit peu compliqué parce que traditionnellement en France, les archéologues sous-marins travaillent plutôt sur des épaves de bateaux et que là, on est en train de les former à rechercher aussi les sites préhistoriques tels qu'on les connaît sur la côte. Sur la gauche de la diapositive, vous avez l'illustration d'un des sites français les plus connus pour les périodes anciennes et qui est le site de la Mondrée. Alors, notre collègue Emmanuel Guéquière, demain, reviendra beaucoup plus en détail sur ces périodes anciennes. Si on avance un peu dans le temps, à l'échelle de ce qu'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire en gros les 10 000 dernières années, vous avez ici une courbe, j'espère que vous la voyez suffisamment bien, qui vous montre à quel point le phénomène de montée du niveau marin a pu être rapide, notamment jusqu'au néolithique, hein, où là on est sur des phénomènes de transgression marine, de montée de niveau marin de l'ordre de 1 à 2 mètres par siècle, ce qui est extrêmement rapide. Et effectivement, Chloé vient d'illustrer abondamment avec différents monuments mégalithiques ce phénomène de ces menhirs néolithiques ou de ces sépultures qui se retrouvent les pieds dans l'eau aujourd'hui. Ici, vous en avez un autre exemple avec le menhir de Touéno qui est photographié à marée haute et à marée basse. Alors, finalement, ce phénomène de la transgression marine, nous, en tant qu'archéologues, ce qui nous intéresse beaucoup, ce n'est pas tant finalement la montée du niveau marin que la variation du trait de côte. Parce que finalement, nous, on raisonne quand même beaucoup aussi en termes de territoire et savoir quel territoire occupaient les hommes. Et dans ce domaine-là, l'étude des îles et des archipels est particulièrement intéressante. J'ai pris juste deux exemples pour vous montrer comment la configuration d'îles que vous connaissez, alors en haut, il s'agit de Watt et Edic, qui finalement, au néolithique, ne formaient qu'un seul territoire. Donc quand on va étudier les populations, les sites néolithiques de ces territoires-là, il faut avoir en compte cette paléogéographie qui était extrêmement différentes. Sur les deux images du bas, là, vous avez une évolution du territoire de l'archipel des Glénans, tel qu'on peut se le représenter à travers les courbes de niveau marin, où vous voyez qu'au néolithique, finalement, cet archipel, cette mosaïque d'îles, c'était une seule grande île, à peu près de la taille de l'île de Groix aujourd'hui, et puis que finalement, le territoire s'est morcelé au fil du temps, ce qui a obligé déjà à l'époque les populations à s'adapter à ces changements, à migrer et à changer leurs activités économiques très probablement. Alors, si on va dans des périodes encore un petit peu plus récentes, là, on va s'intéresser à des sites d'habitat. Jusqu'à maintenant, on a vu surtout des monuments mégalithiques. Là, les sites d'habitat tels que le site de Gardenne à Saint-Suliac, le magnifique enclos que vous avez en haut à gauche, c'est un enclos viking, donc du Moyen-Âge, qui était initialement localisé sur une île, et puis petit à petit, donc le niveau de la mer montant dans l'estuaire de la Rance, eh bien ce site s'est retrouvé en milieu subaquatique. Donc des habitats en noyer, hein, on en connaît. Vous avez un autre exemple ici avec le site de l'île Aura de Laudet. On est dans le même type de configuration, un site d'enclos, hein, d'enclos d'habitat. Alors, en ce qui concerne l'enclos de Gardenne à Saint-Suliac, d'ailleurs, on peut déjà évoquer le fait que ce site est mentionné, hein, dans le roman d'Aquin, écrit au XIIe siècle, et que déjà à l'époque, on attribue ce phénomène d'ennoiement du site à la colère divine. Je reviendrai sur ce point. Toujours dans ces sites d'enclos d'habitat qui se trouvent en noyer, ici vous avez un autre exemple. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur les photos aériennes. Donc voilà, ici vous avez un enclos carré. On est au sud, juste au sud de l'île Grande. Ici vous l'avez aussi. Ici vous le voyez nettement moins bien parce qu'entre-temps il y a eu des marées noires dans la région et que le site a servi à déverser tout le pétrole récolté sur les côtes. Donc c'est un site archéologique que nous ne fouillerons pas parce que pour des questions sanitaires que vous comprendrez aisément. Mais là, donc, vous voyez encore un exemple d'enclos d'habitat qui se trouve aujourd'hui en zone en noyer. Autre élément sur lequel je voulais insister, là on est en marge de l'archéologie, on est plutôt dans le domaine des paléo-environnements. Nous travaillons beaucoup dans le cadre de notre unité de recherche avec des paléo-environnementalistes. Et là il s'agit du travail de Vincent Bernard qui a, depuis des années, cartographié et étudié un certain nombre de forêts ancienne, qui se trouve aujourd'hui en zone en noyer. Vous avez ici sur les photographies le site de Concarneau, hein, sur lequel une forêt de chênes, sur lequel il a travaillé et qui est daté de la fin du néolithique et du début de l'âge du bronze. Nous avons ici un autre exemple. Alors, vous voyez sur la carte précédente, hein, vous voyez qu'il y a effectivement tout autour de la péninsule armoricaine un certain nombre de forêts de ce type qui sont cartographiées. Ici, c'est un exemple dans les Côtes d'Armor, à Trégastel, où vous voyez là encore des chênes, des arbres abattus. Et ces arbres, ces restes végétaux ont donné lieu à une datation. Et donc là, on arrive encore à une datation à la fin du néolithique, début de l'âge du bronze. Vous avez les chiffres qui s'inscrivent ici en bas. Alors, je terminerai là-dessus. Finalement, sur ces sites d'habitat et ces sites de forêt, on a quand même envie de relier ces phénomènes que les scientifiques étudient aujourd'hui à quelque chose qui est tout à fait différent et qui est celui des mythes et des légendes qui sont bien connus d'ailleurs dans différentes cultures et un petit peu partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va les retrouver sous des formes différentes un peu partout dans le monde. Si on reste dans le contexte breton, concernant les mythes de villes submergées, on a le mythe de la ville 10, hein, qui se rapproche bien entendu du mythe de l'Atlantide. Et finalement, on est tenté de relier un petit peu ces habitats que je vous ai montrés, ces habitats submergés, à de telles légendes. Autre légende intéressante, cette fois-ci, qu'on peut relier à ces forêts submergées, il s'agit du mythe de la légendaire forêt de Sissi, en baie du Mont-Saint-Michel, et le tout aussi légendaire raz-de-marée de 709. En réalité, les études les plus récentes ont montré que dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y a effectivement des forêts de chênes fossiles, hein, des couérons, comme on en retrouve donc un petit peu partout sur les côtes, mais que cette forêt a été submergée à l'âge du bronze, et non pas en 709, et que le phénomène n'est pas effectivement un raz-de-marée provoqué par la colère divine, comme on le dit dans chacune de ces légendes, mais que là, on a effectivement une traduction sous un mode légendaire du phénomène transgressif qui a progressivement ennoyé la baie du Mont-Saint-Michel. Donc je pense que c'est intéressant quand même de relier les phénomènes, parce que nous, archéologues, savons que derrière chaque légende, il y a souvent une réalité tangible, environnemental ou archéologique. Hein. On est très souvent confronté à des légendes du veau d'or ou du tonneau d'or. En général, dans les champs, on ne trouve pas d'or, mais on trouve quand même des sites archéologiques. Donc, pour terminer sur la question du lien entre légendes et sites archéologiques, je voulais juste vous lire un petit passage de mon vieux maître Pierre Rolangio, à qui je rends hommage. Il écrivait il y a quelques années: « Tout le long des rivages atlantiques de l'Europe, il y a des légendes relatives aux îles ou aux villes antiques submergées lors des cataclysmes punitifs merveilleux. De toute évidence, elles reposent sur la dramatisation populaire des érosions littorales naturelles et la lente remontée du niveau des mers, dont parfois localement on a pu rester quelques souvenirs dans le folklore ou qui ont été instrumentés pour l'édification des populations. » Voilà qui nous laisse à méditer. Merci de votre attention.